Wesh mon cousin, tu crois que je t'ai pas vu en ça ou quoi? Et de où tu m'en boucanes? Où tu m'as vu toi? Comment je t'ai vu mon frère? T'es sérieux, je t'ai fait cramer et tout devant tout le monde. Eh wesh, qu'est-ce que tu me dis? Arrête, arrête. Oh viens là-bas, c'est qui, c'est pas Agouni? Jure-le. Eh ouais frère, je crois que c'est elle. Wesh cousine, qu'est-ce que tu fous là? Quoi, qu'est-ce qu'il y a toi? Oh, je vais te faire tuer à Marseille ou quoi? qu'est-ce que tu fais ici? Je t'emmerde, bouffon. J't'emmerde, bouffon. Va leur dire que Brolic est dans les parages. Va vite te cacher sale pute et ne reste pas par là. Allison et qui agonie la chaîne. Vais bêta dans ton assiette. Alors je suis sûr je vais te faire ta fête. Je t'avais prévenu, tiens la fée qu'à ta tête. Je te fais manger mon zboub et je te prends même en carpette. Je t'ai proposé un clash mais tu m'as dit non. À croire tu as peur de moi, dis-moi quelles sont tes ambitions. À 22 ans, déjà maman mais qu'est-ce qu'il faut penser. Ce son il est pour toi mais je suis pas là pour te faire danser. Tu es d'origine bretonne, en plus tu fais la dure. Les quartiers tu connais pas car tu as vécu dans la nature. J'ai 17 piges mais je te mets une patate dans les dents. Tu sais pas poser, quand tu rappes tu mets pas dans les temps. J'ai entendu, venez me clasher, j'attends vos mails. Moi je te réponds vite et bien, les agonies niquez vos mères. Agonie, salut tu pues. Anthony, la mis dans. On n'en peut plus de tes faces, de ton blaze. Tu sens la chasse. Agonie, salut tu pues. Anthony, la mis dans cul. On n'en peut plus de tes faces, de ton blaze. Tu sens la chasse. Tu connais James, ça s'entend ta voix. Si j'étais ton daron, franchement, j'aimerais pas t'avoir. J'suis venu te clasher pour te mettre à poil. Tiens, prends mon sperme, il est très bon à boire. Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas d'espace, j't'envoie cache dans l'espace. Ton album, c'est un flop, dis-leur à ton public. Prends le temps de leur expliquer sérieux car ils sont trop stupides. Marseille 13-0-13, ça c'est mon domaine. Mes punchlines sont des bombes, alors contracte ton abdomen. Tais-toi, nettoie, ici t'es la boniche. Sale pute dans mon quartier, le synonyme d'agonie. De toute façon, t'as la face d'un Big Mac écrasé. Un proxénète ferait faillite, ça serait un petit Mac effacé. Sois pas jaloux si je dévoile la vérité. De la merde et de la honte, voilà de quoi t'as hérité. Agonie, salut tu pues. Anthony, la mis dans. On n'en peut plus de tes faces, de ton blaze. Tu sens la chasse. Agonie, salut tu pues. Anthony, la mis dans cul. On n'en peut plus de tes faces, de ton blaze. Tu sens la chasse. Après ce clash, je sais d'avance que tu répondras pas. Tu sers d'appât, fais attention que je t'attrape pas. Ok, est-ce que t'as vu comme je suis insolent? T'as fait un son mon équilibre, putain, je croyais c'était un slogan. Hey public, est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit? Moi je suis une mère de famille, j'ai pas que ça faire de ma vie. Arrête tes sottises, on sait très bien que tu t'en fous, je vais niquer ta race. Mais je suis sûr que tu t'en doutes. À ce qui paraît, y'en a déjà qui t'ont clashé. Yo, j'ai pas entendu de réponse, apparemment tu t'es caché. Ton clip est à la fête forêt, j'ai pas ce qui t'a pris par la tête. Et quand ton mac te fait l'amour, il doit te tirer par la crête. Arrête de faire la belle, de dire je suis la plus forte. Moi j'ai pas de label, mais je viens déboîter les portes. Cousine, à ta place j'aurais honte de me montrer. Dis-leur qu'en Bretagne par les chevaux tu te faisais monter. Agonie, salut tu pues. Anthony, la mis dans. On n'en peut plus de tes faces, de ton blaze. Tu sens la chasse. Agonie, salut tu pues. Anthony, la mis dans cul. On n'en peut plus de tes faces, de ton blaze. Tu sens la chasse. Juste pour info, mon équilibre c'est pas une instru de son clic.